Chapitre 5. Ensuite, les Juifs eurent une fête religieuse et Jésus alla à Jérusalem. Dans cette ville, il y a près de la porte des moutons une piscine avec 5 galeries à colonnes. On l'appelle en hébreu Bethsaida. Dans ces galeries, beaucoup de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit couché et sut qu'il était malade depuis longtemps déjà, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?»« Maître, lui répondit le malade, je n'ai personne pour me mettre dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ta natte et marche. » Aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais, comme cela se passait le jour du sabbat, les Juifs dirent à l'homme qui avait été guéri, « C'est le sabbat, et notre loi ne te permet pas de porter ta natte. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. » Ils lui demandèrent alors, « Qui est celui qui t'a dit, prends ta natte et marche ?» Mais l'homme qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus était parti à cause de la foule qui se trouvait à cet endroit. Plus tard, Jésus le rencontra dans le temple et lui dit, « Écoute, tu es guéri maintenant. Ne pêche plus, pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. » L'homme s'en alla et déclara aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs se mirent à persécuter Jésus, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille tous les jours, et moi j'agis de même. » À cause de cette parole, les Juifs cherchaient encore plus à le tuer, car il avait non seulement agi contre la loi du sabbat, mais il avait encore dit que Dieu était son propre Père, et s'était fait ainsi l'égal de Dieu. Alors Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, en vérité le Fils ne fait rien par lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. » Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Il lui montrera des œuvres à faire encore plus grandes que celles-ci, et vous en serez étonnés. Car de même que le Père relève les morts et leur rend la vie, de même le Fils donne la vie à ceux auxquels il veut la donner. Et le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils le pouvoir entier de juger, afin que tous les hommes honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Je vous le déclare. En vérité, celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Je vous le déclare encore. Le moment vient, et il est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car de même que le Père possède le pouvoir de donner la vie, de même il a accordé au Fils le pouvoir de donner la vie. Et il a donné au Fils le droit de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car le moment vient où tous les morts qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront de leur tombeau. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour recevoir la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Je ne peux rien faire par moi-même. Je juge d'après ce que Dieu me dit, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, ce que je dis ne peut pas être une vraie preuve. Mais c'est un autre qui rend témoignage en ma faveur, et je sais que ce qu'il dit à mon sujet est vrai. Vous avez envoyé des messagers à Jean. Et il a rendu témoignage à la vérité. Je n'ai pas besoin, moi, du témoignage d'un homme, mais je dis cela seulement pour que vous puissiez être sauvés. Jean était comme une lampe allumée qui éclaire, et vous avez accepté de vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui rendu par Jean. Les œuvres que je fais, celles-là même que le Père m'a donné à faire, parlent en ma faveur, et montre que le Père m'a envoyé. et le Père qui m'a envoyé parle aussi en ma faveur. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez jamais vu son visage. Vous ne gardez pas ses paroles en vous parce que vous ne croyez pas en celui qu'il a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont justement elles qui parlent de moi. Pourtant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vraie vie. Je ne recherche pas les éloges qui viennent des hommes. Mais je vous connais. Je sais que vous n'avez pas en vous d'amour pour Dieu. Je suis venu de la part de mon Père, et vous ne voulez pas me recevoir. Mais si quelqu'un d'autre vient de sa propre autorité, vous le recevrez. Vous aimez recevoir les éloges les uns des autres, et vous ne recherchez pas l'éloge qui vient du seul Dieu. Comment donc pouvez-vous croire? Mais ne pensez pas que je vous accuserai devant mon Père. C'est Moïse qui vous accusera, lui en qui vous avez mis votre espérance. Si vous aviez vraiment cru Moïse, vous m'auriez aussi cru, car il a écrit à mon sujet. Mais puisque vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment pourriez-vous croire mes paroles ?